Le jazz boogaloo du pianiste Ramsey Lewis sur TSF Jazz, c'était Uptight à 8h28. Et voici du jazz made in France par le guitariste Patrick Sossois. Patrick Sossois et sa version de Venez donc chez moi à 8h31 sur TSF Jazz. C'est l'heure des infos avec Mathieu Baudou. La colère va se transformer en haine si vous continuez. C'est ce qu'écrit le groupe des Gilets jaunes, La France en colère, sur Facebook, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il dénonce notamment une répression sans aucune retenue et demande à être reçu par le président de la République afin de reprendre les négociations. L'acte 8 du mouvement des Gilets jaunes, demain, avec à Paris la manifestation qui débutera à 14h et qui a été déclarée à la préfecture. Une mesure fiscale qui ne va pas passer inaperçue, le groupe de réflexion Terra Nova propose en effet d'augmenter de 25% le rendement de la fiscalité sur les successions afin de compenser les 3 milliards d'euros perdus par l'État avec la suppression de l'ISF. Une page se tourne pour Alain Juppé après 42 ans passés au RPR, puis à l'UMP et enfin aux Républicains. Il n'est officiellement plus membre du parti dirigé par Laurent Wauquiez, l'ancien Premier ministre qui n'est plus adhérent du parti depuis le 1er janvier pour n'avoir pas renouvelé sa cotisation deux années consécutives. Alors que sa détention a été prolongée jusqu'au 11 janvier prochain au Japon, Carlos Ghosn devrait être présenté à un juge dans les jours qui viennent. C'est ce que dit la NHK, la télé publique japonaise. L'ex-patron de Nissan doit être présenté au tribunal dans les 5 jours pour être notifié du motif de sa détention. Et puis Genève en jazz, c'est du 11 au 13 janvier avec le festival de l'AGMJ, l'association genevoise des musiciens de jazz. Pour ses 40 ans, cette manifestation a notamment prévu d'inviter une dizaine de formations, parmi lesquelles le trio de René Ortreger et celui de Daniel Humer, qui justement est né à Genève. Les choses sont bien faites. 8h32 sur TSF Jazz, à suivre Charlie Parker et son Ornithology, le pianiste Oscar Peterson avec sa version de Summertime. Et auparavant, petit clin d'œil de notre programmation, Norah Jones avec Wintertime, qui est son single de l'hiver. Mais tout de suite après la pub, c'est Jimmy Callum que voici avec Old Devil Moon. 4,29€ la galette. Vous me prenez vraiment pour le roi des imbéciles. Et pourtant, c'est vrai. Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 600 grammes, soit 7,15 € le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, bougez plus. Showroomprivé.com présente. Je suis vaillant comme Vaiana. Et moi, rusé comme le capitaine Crochet. Moi, j'ai mieux qu'un crochet, le sabre de Jack le pirate. Et moi, j'ai le pouvoir magique de la Reine des Neiges. Et moi, je connais deux héros qui vont aller se coucher pour être en forme pour demain. Oui, mon capitaine. Pirate ou princesse, choisissez votre camp. Avec Showroom Privé, à vous Disneyland Paris à moins 35% avec séjour offert pour les moins de 12 ans pendant le festival Pirates et Princesses. Showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oui, quoi encore ? On a un pépin, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, les 3 kilos de pommes bicolores dont 1 kilo offert sont à 2,69 €. Soit 90 centimes le kilo de pommes bicolores chez Lidl ? C'est pas possible ! Ah si patron, c'est le vrai prix, hein. Pour 3 kilos dont 1 kilo offert, et origine France en plus, hein. Chez Lidl, c'est possible. Mais pour nous, c'est vraiment pas de la tarte. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Braeburn selon supermarché, origine France. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1 € de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, staff Lelou. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui pourraient passer leur vie dans leur lit, nous, on offre jusqu'à moins 50% sur les matelas et les sommiers et 10% supplémentaires pour un ensemble grande taille. Et à ce prix-là, on ne culpabilise pas. Conforama, jusqu'au 28 janvier, conditions en magasin et sur conforama.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Papa ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi les mandarins, ils sont chinois ? Alors que les mandarines, elles sont espagnoles. Aujourd'hui, le filet de 2 kilos de mandarines Mon Marché Plaisir est à seulement 1,49 € et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 75 centimes le kilo. Variété Clément Villa, calibre 2-3, catégorie 1, origine Espagne. 24 heures sur 24. Plongée dans le jazz. Vous écoutez TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. I looked you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hard to handle. Stars in the night, flame in the light, candle to your razzle-dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. I just wanna cry, I wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blind me with love. Da da da da da. I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. Glance make this romance too hard to handle. Stars in the night, blame in the light, can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride, full of butterflies inside. I just wanna cry, wanna croon, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in her eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in her eyes blinds me with love. Jimmy Callum et sa version de Old Devil Moon à 8h39. Jimmy Callum que l'on retrouvera ce soir sur notre antenne dans son rôle d'animateur de radio à partir de 19h pour son Jimmy Callum Show hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est une émission entièrement dédiée à son idole, Harry Connick Jr. Ça va être d'un chic absolu, cette antenne, entre 19h et 20h sur TSF Jazz. Et comme promis, voici Norah Jones. But I feel alright in the summertime and the fall. In the spring, when the house is dark, doesn't bother me at all. I know, it's in the light, the shadows start to move. There's a hurt is a cat.